Le bel aubépin. Bel aubépin verdissant, fleurissant le long de ce beau rivage, tu es vêtu jusqu'au bas des longs bras d'une lambrusche sauvage. Deux camps riants de fourmis se sont mis en garnison sous ta souche, et dans ton tronc mi-mangé, arrangé, les avettes ont leur couche. Le gentil rossignolé, nouvelé, avec sa bien-aimée, pour ses amours allégés, vient loger tous les ans en ta ramée, dans laquelle il fait son nid, bien garni de laine et de fine soie, où ses petits éclorons, qui seront, de mes mains, la douce proie. Or, vis, gentil aubépin, vis sans fin, vis sans que jamais tonnerre, ou la cognée, ou les vents, ou les temps, te puissent ruer par terre.